On va parler de livres. On sait qu'il y a deux périodes dans l'année où il y a des lancements de livres, dans le mois de l'automne pour le Salon du livre de Montréal. Et il y a également plusieurs livres qui sont lancés également au printemps. Et il y en a un qui sort demain. Ça s'appelle Dans les coulisses du junior de la LHJMQ aux éditions Urtubise. En ligne, on a celui qui a pondu ce livre, Mathieu Vachon. Salut Mathieu! Salut, comment ça va? Ça va bien, Mathieu. Si on parlait un peu du livre, je t'ai entendu sur certaines autres plateformes mentionner que c'était un rêve que tu avais réalisé. Il y a beaucoup de travail là-dedans, hein? Oui, exact. Donc, mon livre, l'histoire de Junior, ça a été plusieurs heures de travail qui ont été nécessaires pour en arriver à la production de ce livre-là. C'est sûr que ça faisait un petit bout de temps là, que j'avais ce rêve-là en tête là, d'avoir un livre un jour à mon nom. Donc, je suis bien content de voir ce projet-là qui se réalise. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? Oui, donc dans ce livre-là, on retrouve une panoplie d'anecdotes, donc 38 au total. OK. C'est vraiment des petites histoires qui ont été toutes mises ensemble pour être en mesure d'en arriver à ce livre-là. Donc, c'est vraiment pour permettre aux gens de découvrir c'est quoi l'envers du décor dans le junior majeur, donc dans le monde de la LHJMQ. Et on peut voir que, dans le fond, dans ces histoires-là, il y en a qui sont touchantes, il y en a qui sont inspirantes, il y en a qui sont drôles aussi. Fait que c'est vraiment un éventail assez diversifié là, qu'on retrouve dans ce livre-là. Il y a même, je pense, une histoire sur un joueur qui est décédé, je pense. Hein? Tu me corriges si je me trompe. Il était des amis. Puis finalement, ce qui est arrivé par la suite, ce qui est arrivé par la suite, il y a eu une mise en échec et le joueur, ils n'ont pas eu la chance de se réconcilier avant le décès, je pense. Hein? Oui, exact. Donc, cette histoire-là est racontée par Cédric Desruisseaux. Donc, Cédric Desruisseaux, lui, c'était un très bon ami du joueur Alec Reed. Et Alec Reed, aujourd'hui, lui, ben, il est malheureusement décédé en raison d'une crise d'épilepsie. Et il faut savoir que quelques temps avant cet événement tragique, Alec Reed et Cédric Desruisseaux s'affrontaient dans le cadre d'un match entre l'Armada, l'équipe d'Alec, et les Voltigeurs, donc l'équipe de Cédric. Et sur la séquence, Alec a fait une mise en échec à l'endroit de Cédric et Cédric Desrousseaux, ça lui a valu une solide commotion cérébrale. Et comme ils étaient des amis, ben Cédric en a voulu longtemps à Alec et malgré les efforts d'Alec pour se réconcilier avec Cédric, Cédric n'a jamais été en mesure de lui dire qu'il lui pardonnait ce geste-là. Et finalement, ils n'ont jamais eu la chance de se réconcilier avant le destin tragique de Alec. Et il faut savoir que ben, le décès d'Alec est survenu le jour de l'anniversaire de Cédric Desruisseaux. Donc, c'est vraiment une histoire où est-ce qu'on peut apprendre une précieuse leçon de la vie. Donc, où est-ce que c'est important de pardonner aux gens qui comptent pour nous quand c'est le temps de le faire. OK. As-tu des histoires sur les Saguenay-Chicoutimi? C'est ça que c'est noté que de la région. Fait qu'as-tu des histoires? Oui, exact. Donc, c'est sûr qu'il y a une histoire là, qui concerne le bon vieux Richard Martel. Il Ouais. raconte un peu là, ses débuts dans le hockey junior et la chance qu'il a ratée avec les rangs professionnels. Donc, il nous a vraiment bien expliqué ça. Par la suite, il y a également une ancienne gloire des Saguenayens, un certain Paul Gagné, Ouf, je qui connais lui pas nous ça. raconte. Oui, donc lui, ça remonte aux années 80. OK. Et Paul Gagné, c'est un des meilleurs pointeurs de l'histoire de la concession des Saguenayens. Et lui, il nous raconte vraiment comment il a vécu sa période dans le hockey junior dans ces années-là. Donc, il faut savoir que Paul Gagné, c'était un joueur de quand même de petite taille. Et on se rappelle que dans le hockey des années 80, c'était du hockey assez rude, merci. Ouais. Donc, il nous raconte vraiment comment il a vécu ça à cette époque-là. Aussi pour les gens de la région, il y a une histoire qui concerne Raphaël Harvey-Pinard, la fierté Ouais. d'Arvida. Donc, il y a quelques touches de Saguenayenne dans ce livre-là. OK. Donc, c'est aux éditions Tubi, c'est en vente à compter de mercredi dans le coin de Montréal. J'imagine que ça va être également en vente très très bientôt ici dans les baies centrales. Toujours une journée ou deux de décalage. Donc, c'est aux éditions Tubi. Mathieu Vachon, un gros merci. Merci à vous. Voilà, le lancement d'un livre sur les coulisses du junior avec Mathieu Vachon.